ce matin, le café à la main, sans élégance, en peignoir en satin, je ne suis pas Arsène Lupin. Le temps passe, le visage vend la glace, inspiré par ma calvitie, je ne suis pas David Bowie. Peu avant midi, la douche qui a suivi m'a laissé froid, blême et sans âme. Je ne suis pas Lilian Thuram. Catastrophe, moins le quart, relent d'hier au soir, débouté par une fille qui me dépasse. Je ne suis pas Rulio Iglesias. Le soleil au zénith évapore ma cuite. J'aimerais disparaître dans la bruine, mais je ne suis pas Huckleberry Finn. La voix des informations fait monter la dépression. J'aimerais avoir mon futur entre mes mains, mais je ne suis pas Jean Gabin. Voilà l'heure fatale où ma vie change de canal. Je désire fuir la vie banale, mais putain, je suis un mec normal.